Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le miracle sur glace, la victoire au hockey des Américains contre les Soviétiques en 1980. C'est le délire dans la foule quand l'équipe américaine de hockey l'emporte devant les Soviétiques lors des Jeux olympiques de Lake Placid en 1980. L'impossible vient de se produire, d'où cette phrase devenue célèbre du commentateur d'ABC Al Michaels. « Croyez-vous au miracle? » Oui, la victoire de l'équipe américaine est déjà un exploit, bien sûr, sur le plan sportif, mais le contexte politique particulier de l'époque lui donne plus d'éclat encore. À Lake Placid en 1980, les experts prédisent une cinquième médaille d'or consécutive pour l'URSS, mais un épais nuage politique flotte au-dessus des Jeux d'hiver. Durant le congé de Noël précédant les Jeux olympiques de 1980, l'Union soviétique a brutalement envahi l'Afghanistan et tenté d'imposer sa volonté contre le peuple afghan libre. Il y a eu un tollé ici. Et dans plusieurs autres pays. C'est dans ce contexte que les hockeyeurs soviétiques se retrouvèrent pour la ronde des médailles contre une équipe américaine inexpérimentée et négligée, qu'ils avaient vaincu 10-3, trois jours avant le début des Jeux. Mais cette fois, en troisième, les Soviétiques menaient 3-2. Dans l'amphithéâtre, ainsi que devant le petit écran, des millions de personnes pressentaient une surprise. Puis Mark Johnson ramène les États-Unis à égalité et toute l'équipe sent maintenant la victoire à sa portée. 1:30 plus tard, le capitaine Mike Eruzione marque et les Américains prennent les devants. Mais il restait encore 10 minutes à jouer et les Soviétiques n'avaient certainement pas l'intention de baisser pavillon. En plus de frapper une fois le poteau, ils obligent le gardien américain Jim Craig à de brillants arrêts sans parvenir à le déjouer. Dans le monde du hockey sur glace, David vient de renverser Goliath. Une équipe de collégiens américains a défait les puissants soviétiques dans un match que plusieurs Américains n'oublieront jamais. Deux jours plus tard, il remporte la médaille d'or, écrivant ainsi un véritable conte de fées pour l'un des exploits les plus remarquables de l'histoire des Jeux olympiques. Extrait de l'émission « L'aventure olympique » diffusée en 2001. Vous y entendiez la voix de Claude Canville et un extrait d'une entrevue doublée en français de l'ex-président Jimmy Carter pour nous raconter cette incroyable odyssée de l'équipe américaine de hockey aux Jeux olympiques de 1980. Je reçois Martin Leclerc, chroniqueur, analyste au hockey. Martin Leclerc, bonjour. Bonjour. Pour beaucoup de monde, cette victoire de l'équipe olympique américaine aux Jeux de 1980, ça reste un des moments forts dans l'histoire du sport, dans l'histoire du hockey, dans l'histoire des Jeux d'hiver. Pourquoi, Martin Leclerc? Il y a tout un contexte. C'est sûr que d'un point de vue sportif, c'est probablement une des plus improbables victoires de l'histoire. Là. Juste d'un point de vue sportif, c'est gigantesque. On ne l'avait pas vu venir, comme on dit. Absolument. Ouais. Je me souviens que dans le New York Times, la veille du match ou le matin du match, on disait qu'à moins que la glace fonde, les Russes allaient remporter ce match-là très facilement. Mais il y avait un contexte, il y avait tout un contexte géopolitique autour de ça aussi. Bon, on ne refera pas l'histoire de la guerre froide. Là. Il y a une longue rivalité qui dure depuis la Deuxième Guerre mondiale entre les États-Unis et l'Union soviétique. Mais, rivalité dans le sport, beaucoup d'ailleurs. En science, dans le sport, pour la conquête de la Lune, mais le sport, ça fait partie, c'est au cœur de cette rivalité. Absolument. Chacun voulait prouver que son système était meilleur que l'autre. Ouais. Mais il y a une certaine, au point de vue sur la scène internationale, il y a des tensions quand même. Là. Il y a l'ambassade des États-Unis qui a été à Téhéran, qui a été prise d'assaut par les révolutionnaires iraniens. Il y a l'Afghanistan qui a été envahi par l'Union soviétique et les Américains ne sont pas du tout contents de ça. D'ailleurs, ils commencent déjà à brandir la menace d'un boycott des Jeux de Moscou l'été suivant. Donc, il y a tout un contexte. Aux États-Unis, bon, il y a aussi un choc pétrolier qui a un effet sur l'inflation. L'économie va très, très mal. L'économie va mal. Morosité ambiante. C'est ça. Alors, ça va pas très bien aux États-Unis. Et là, il y a cette grande rivalité-là sportive qui se présente aux Jeux de Lake Placid. suicide. Et les Américains savent qu'ils sont tout à fait négligés. Là. Ils ont une équipe de collégiens contre la meilleure formation au monde. Et compte tenu de ce contexte-là, vraiment grande morosité économique, des Américains qui sont pris en otage en Iran, c'est sombre, l'atmosphère aux États-Unis. Donc, quand ils vont réussir ce miracle, l'équipe américaine a gagné cette victoire-là contre les Soviétiques, ça va être vraiment... On va y revenir, là, mais c'est le délire collectif aux États-Unis à ce moment-là. Absolument. Et pourtant, Martin Leclerc, au début, et juste avant, puis au début du tournoi olympique, c'est loin, loin, loin d'être gagné, vous le disiez, mais comment ça s'annonce pour l'équipe américaine au début du tournoi? Bien, écoutez, l'équipe américaine, premièrement, que Herb Brooks a décidé d'assembler et composer de joueurs universitaires américains. Là, on parle de joueurs qui sont vraiment des amateurs. À l'époque, d'ailleurs, les professionnels n'étaient pas admis aux Jeux olympiques, mais ce sont des joueurs, la majorité proviennent de l'Université du Minnesota. Il y en a une autre partie significative qui provient de l'Université de Boston. Et Herb Brooks a une idée assez précise de ce qu'il veut avoir. Là, il recherche. Et d'ailleurs, ses talents de recruteur ont été exceptionnels. L'histoire l'a démontré. Mais c'est quand même une équipe qui a 21 ans d'âge moyen qui devra affronter des joueurs. T'sais, l'équipe d'Union soviétique en 1979 avait disputé la Coupe du défi contre les étoiles de la Ligue nationale de hockey. Et ils avaient remporté cet affrontement-là. C'est probablement, à l'époque, l'équipe soviétique la meilleure équipe de hockey au monde. Absolument, parce qu'ils s'entraînaient 11 mois par année. Ouais. Ils étaient ensemble 11 mois par année. Ils n'avaient pas à souffrir les rigueurs d'un calendrier comme celui de la Ligue nationale de hockey. Donc, ils étaient parfaitement entraînés. Ils étaient même gardés en retraite fermée 11 mois par année. Leur entraîneur, Victor Tikhonov, était extrêmement sévère. Mais bref, c'était probablement l'équipe qui avait la plus grande chimie au monde parce qu'ils s'étaient donné les moyens, les Soviétiques, vraiment, d'entraîner leurs athlètes dans les meilleures conditions. Et leur adversaire, c'est cette équipe, vous le disiez, de collégiens. Donc, en principe, ça va être un massacre. Il y a eu d'ailleurs un match disputé quelques jours avant le début des Jeux où ça a été un massacre, 10-3. Les Soviétiques ont écrasé cette même équipe américaine. Parliez de l'entraîneur américain Herbert Brooks. C'est vrai qu'il va jouer un rôle déterminant dans cette victoire américaine aux Jeux de Lake Placid. On écoute un extrait du film parce qu'il y a un film qui a été réalisé, un film de fiction, Miracle en français, réalisé par Gavin O'Connor en 2004. Et l'extrait qu'on entend, en fait, c'est une séquence où le personnage d'Herbert Brooks rencontre les dirigeants de l'Association de hockey amateur américain. On est à quelques mois des Jeux, puis ils se disent comment on pourrait pas trop mal paraître. La seule manière d'être à la hauteur des équipes des pays de l'Est, c'est d'avoir la volonté de changer. Changer quoi? Notre façon d'entraîner, notre préparation et même notre programme. Ben, changer quoi au programme, par exemple? Je crois qu'il faut qu'il soit plus long, plus dur et puis beaucoup plus sélectif. Plus long? Ça va être cher, vous payez. Il faut qu'on change notre manière de jouer au hockey. Ça veut dire quoi exactement? J'ai l'intention d'adopter un nouveau style, un croisement entre l'école soviétique et canadienne, qui se basera à la fois sur une préparation physique extrêmement poussée, la rapidité, la créativité et, par-dessus tout, l'alchimie d'une équipe. C'est la méthode que vous appliquez à l'Université de Minnesota? Et petit à petit, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans. On a gagné 3 championnats en circuit universitaire, quand même. On n'a pas 2 ans devant nous, on n'a que quelques mois. Herb, vous croyez pouvoir prendre des jeunes gars qui n'ont jamais joué ensemble et leur apprendre un nouveau style de jeu en quelques mois? Tenez, lisez, on a le style nord-américain qui... Et si ces garçons n'apprennent pas assez vite, bon, on est tous conscients qu'il ne faut pas trop compter sur une médaille, mais on n'a pas non plus envie d'être ridicule. Je suis bien d'accord. Et comment? Bob... Il y a 4 ans, notre équipe a perdu contre l'équipe B de Tchécoslovaquie, 15-1, je crois. Sans vouloir vous vexer, je ne crois pas qu'on puisse se ridiculiser tellement plus que ça. Fabuleux cet extrait, mais au-delà de la fiction, il y a une bonne part de réalité dans ce qu'on vient d'entendre, Martin Leclerc. Quelle importance il va avoir Herbert Brooks dans la victoire américaine, puis comment il va préparer ses joueurs à cette victoire? Et ça a été une préparation très inorthodoxe, mais absolument géniale lorsqu'on regarde le résultat qui a été accompli. Il avait invité une 60aine de joueurs au camp de sélection, des joueurs triés sur le volet, et chaque joueur devait répondre à un questionnaire. Il y avait à peu près 300 questions dans le questionnaire. Il voulait cerner les joueurs qui allaient être capables de bien réagir sous pression ou dans des situations difficiles. Et on le voit là, au résultat qu'ils ont obtenu. Ça a été très bon. Il a amené cette équipe-là après ça en tournée. C'était des tests de psychométrie carrément qu'il leur faisait faire. Absolument. Ouais. Et après ça, il a lorsqu'il a composé son équipe, elle a été soumise à plus d'une soixantaine de matchs préparatoires, des tournées en Europe, dans certains tournois, en Amérique du Nord. Et donc, il a créé cette fameuse chimie d'équipe qu'il recherchait. Et il était extrêmement rigoureux, là, même dans la veille ou dans les jours précédents, le fameux match contre l'Union soviétique à Lake Placid. Encore, il soumettait ses joueurs à des entraînements physiques extrêmement rigoureux. Ouais. Il se disait que pour tenir la cadence contre la meilleure machine de hockey au monde, il fallait qu'il pousse lui-même ses joueurs à se surpasser. Et l'âge a peut-être été un facteur là-dedans aussi, le fait que les joueurs soient âgés de 21 ans. Et pendant ce temps-là, lui, Tikhonov, permet à ses joueurs de se reposer dans les heures ou dans les jours qui précèdent le grand match. Il leur permettait d'étudier les systèmes de jeu dans des cahiers ou sur vidéo, mais il reposait ses joueurs, alors que de l'autre côté, c'était le fouet qui était de rigueur encore. Ouais. Comment ça se déroule, le début du tournoi? Parce qu'on sait bien que les Américains auront cette victoire au bout du chemin, mais comment ça se présente au tout début, les rondes préliminaires, le début du tournoi olympique pour l'équipe de hockey américaine? L'équipe de hockey américaine a causé une grosse surprise dès le départ en ronde préliminaire en faisant un match nul 2-2 contre la Suède. Et ce verdict nul-là a été extrêmement important dans la suite du tournoi. Ils ont réussi à inscrire le but égalisateur à 27 secondes de la fin alors que leur gardien était retiré des filets. Et une défaite aurait changé le classement et aurait probablement pas permis aux Américains de remporter la médaille d'or par la suite. Et la grosse surprise au tour préliminaire est survenue ensuite contre la Tchécoslovaquie. On entendait parler tout à l'heure les gens autour de la table de la défaite de 15-1 contre l'équipe B, la Tchécoslovaquie. Ouais. À l'époque, en hockey international, les Tchécoslovaques étaient ceux qui étaient les principaux adversaires des Russes dans les grandes rencontres internationales où il n'y avait pas de professionnels. Parfois, ils s'affrontaient en finale et les Tchécoslovaques l'emportaient. Ils étaient les favoris pour emporter la médaille d'argent à Lake Placid et les Américains les ont battus 7-3. Alors wow. Là, ça a été un signal qu'il y a une vague, il y a quelque chose de spécial. Exact. Il y a une montée. C'est ça. Important dans la psychologie de l'équipe, évidemment. Là, il y a des gros matchs qu'on réussit à affronter avec succès. C'est ça. On arrive au jour J, en fait, le jour du 22 février 80. Avant de parler de ce qui va se passer sur la patinoire comme telle, petite parenthèse, mais ça vaut le détour, pour souligner à quel point, on a parlé du contexte au début de l'émission, Martin Leclerc, le pays entier, les États-Unis, tout le monde aux États-Unis est rivé sur son petit écran. Ce match-là est très, très, très suivi, mais étrangement, il ne sera pas suivi en direct. Absolument. C'est une histoire fabuleuse. Al Michaels, dans sa biographie, la raconte avec beaucoup d'humour. Le match était prévu à 17h à Lake Placid et les dirigeants du réseau ABC ont fait pression auprès du CIO pour faire changer l'heure de diffusion pour que ce soit diffusé à 20h à heure de grande écoute. Et ils ne sont pas parvenus à s'entendre avec les gens du Comité international olympique. Donc, le match a été présenté à 17h et les gens de ABC, les dirigeants d'ABC ont décidé d'enregistrer le match. Incroyable. Et de le diffuser. On était à une époque, bien sûr, il n'y avait pas d'Internet. Mm. Les moyens de communication étaient beaucoup plus limités. Alors donc, il y a seulement les 8500 personnes qui étaient entassées dans les gradins de ce petit amphithéâtre-là, à Lake Placid, qui ont vu le match en direct. Les Canadiens, nous, on a eu la chance, on a eu la chance de le voir, mais les Américains, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu ce match-là à 20h et qui sont convaincus qu'ils l'ont vu en direct. Ouais, même sans savoir le résultat, d'ailleurs. C'est assez extraordinaire, impossible à reproduire aujourd'hui. Alors, comment elle se déroule? Commençons par le début du match. Comment ça s'annonce? Comment ça se déroule, cette première période de jeu d'abord, le 22 février 80? Oui, bien, les Soviétiques prennent l'avance à peu près dans la 10e minute de jeu, mais Vladislav Tretiak, le gardien vedette soviétique, il ne semble pas dans son assiette dans ce match-là. Il ne reçoit pas beaucoup de tirs. Parfois, ce n'est pas très facile pour un gardien d'être laissé dans une période d'inactivité durant un match aussi important. Et il accorde un très mauvais but à Buzz Schneider, un tir d'une cinquantaine de pieds qui provient de tout près de la bande, là, un angle assez fermé. Il accorde un premier but aux Américains là-dessus. Et là, les Soviétiques reviennent, prennent l'avance 2-1. Et par la suite, un tir d'une centaine de pieds de Dave Christian, sur lequel Tretiak accorde un long retour. Et les Américains réussissent à faire 2-2. Et là, c'est un point tournant du match parce que Viktor Tikhonov, l'entraîneur soviétique, s'est montré très impatient sur cette séquence de jeu-là. Et sur le champ, furieux de voir les Américains égaler le pointage. remplace son gardien vedette par Michkin, par Vladimir Michkin, son jeune gardien numéro 2. Et ce sera un point tournant de la rencontre. Et encore, avant de mourir, Tikhonov disait que ça avait été la plus grande erreur de sa carrière de remplacer Tretiak dès la première période de ce match-là. Ouais. Donc, c'est le substitut qui va être devant le but pour les deux dernières périodes. Et ça aura effectivement un effet concret. Comment se déroule d'abord la deuxième période, Martin Hüttler? En deuxième période, j'imagine que les Soviétiques se font payer un savon par Tikhonov parce qu'ils reviennent totalement dominants en deuxième période. Les tirs sont 12 à 2 en faveur des Soviétiques. Donc, les Américains ne touchent pas beaucoup à la rondelle. Mais Jim Craig, le jeune gardien américain, est miraculeux devant le filet. Là. Il multiplie les arrêts très importants, très difficiles. Et l'Union soviétique rentre au vestiaire après deux périodes avec une avance de 3 à 2. Alors, le match n'est pas joué malgré la domination totale des Soviétiques. Et là, on a droit à un discours enflammé de la part de Herb Brooks entre la deuxième et la troisième période. Alors, et ils ont très, très bien répondu par la suite. Les Américains poursuivent leur attaque et voilà le but! Là-dessus, la défense, le gardien n'y pouvait rien. Les Américains prennent les devants. Eh bien, c'est l'euphorie ici au stade de glace. Les Américains qui arrachent les devants à mi-chemin exactement, troisième période. Et là, c'est le délire véritablement. C'est en troisième période, on vient de l'entendre, que le miracle se produit. Martin Leclerc, comment ça se passe, ce revirement en troisième? En troisième période, on est rendu peut-être à la septième, huitième minute de la troisième période et au cours des 27 minutes précédentes, les Américains n'ont obtenu que deux tirs au filet. Et là, un avantage numérique survient pour les Américains et ils parviennent, Mark Johnson parvient à déjouer Michkin durant cet avantage numérique-là. Et quelques minutes après, deux ou trois minutes plus tard, c'est le capitaine américain Mike Rusione qui déjoue Michkin. C'est l'extrait qu'on vient tout juste d'entendre. Et là, j'ai encore ce souvenir très clair dans ma tête. À partir de ce moment-là, les Soviétiques comprennent qu'ils sont en sérieuse difficulté. Et là, toute l'élégance, la structure de jeu implacable qu'ils avaient s'effondre totalement. Et les jeunes Américains sont littéralement transportés. Là. Ils sont énergiques, multiplient les mises en échec et les Russes ne sont plus capables de construire quoi que ce soit et on voit que l'Empire est en train de s'effondrer, autrement dit. Mais c'est fascinant parce qu'ils ont encore à peu près 10 minutes, les Soviétiques, mais ils sont aux abois et le jeu devient désorganisé et les Américains réussissent à tenir. 9 secondes, le décompte se poursuit. Il y aura un dégagement qui est complété. Non! Voilà le décompte et la victoire, ce qui paraissait impensable. Que la majorité des observateurs considèrent comme la meilleure équipe de hockey au monde, l'Union soviétique vient de se faire battre par des universitaires américains 4-3. Eh bien, fantastique victoire des Américains. Le stade de glace qui était rempli à capacité, impossible de circuler, tellement il y avait du monde, toutes les allées étaient presque encombrées. Là, des spectateurs qui sautent sur la glace. Eh bien, vraiment, je pense qu'on peut dire que les Américains viennent de faire un pas incroyable vers la conquête de la médaille d'or. Raymond Lebrun et Gérard Potvin qui décrivent, eux, en direct pour nous, Canadiens, cette victoire américaine. Bien vu ce dernier commentaire, Martin Hüttler, parce qu'effectivement, les Américains vont voler vers la médaille d'or. Oui, et ça n'a pas été si facile que ça de voler vers la médaille d'or par la suite, parce que quand même, les Américains tiraient de l'arrière 2-1 dans leur match de finale contre les Finlandais. Et c'est à ce moment que l'entraîneur Herb Brooks leur paie le sermon de sa vie entre ces deux périodes-là. Il leur explique, après l'exploit que vous avez réussi en demi-finale, si vous perdez ce match-là, vous allez traîner ça jusqu'à votre tombe. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ça. Vous ne pourrez plus vous regarder dans le miroir. C'est à peu près ça qu'il leur dit. Et là, ils reviennent en troisième période et finalement remportent la médaille d'or au compte de 4-2. Et le lendemain du fameux match, d'ailleurs, je voulais juste souligner ça parce que c'est vraiment fabuleux. On parlait de l'importance pour les deux pays du match, États-Unis, Union soviétique. Dans la Pravda, le lendemain du match, l'organe officiel d'information en Union soviétique, il n'y a pas une ligne sur le match. Pas une ligne sur le match entre l'Union soviétique et les États-Unis. C'est quand même assez, assez fabuleux. Alors qu'aux États-Unis, c'est le triomphe. Déjà, au moment même où, dans la demi-finale, les Américains réussissent à battre les Soviétiques, la foule descend sur la glace. C'est l'euphorie. Oui, oui. C'était les négligés. On parlait tantôt de l'affrontement de deux systèmes. Là, c'était comme démontrer qu'une bande de collégiens pouvait affronter ce qu'il y a de meilleur dans le système communiste et de venir à bout de ça. Brooks va pleurer. Il s'en va à un moment donné. Il est trop ému. Pendant que ses joueurs festoient sur la patinoire et s'isolent dans le vestiaire, il va pleurer parce qu'il se rend compte de l'ampleur de ce que ses joueurs viennent d'accomplir. Et ça a été ce match-là a été un point tournant dans la vie des athlètes des deux équipes impliquées, finalement, parce que ça a été inoubliable des deux côtés, mais pas pour les mêmes raisons. Commençons par les Américains. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces joueurs-là? Il y a plusieurs joueurs. Il y a 13 joueurs de la formation qui ont joué dans la Ligue nationale, éventuellement, qui ont réussi à poursuivre une carrière de hockeyeur, et des joueurs qui ont eu des palmarès assez impressionnants. Là, Neil Broughton a disputé près de 1100 matchs dans la Ligue nationale de hockey pendant 17 saisons. Ken Morrow, le défenseur Ken Morrow, lui, ça a été une année, c'est peut-être la meilleure année de sa vie. Il a remporté la Coupe Stanley cette même année avec les Islanders de New York qui l'ont mis sous contrat tout de suite après les Jeux olympiques. Mike Ramsey a joué 1000 matchs aussi. Donc, 13 joueurs quand même qui ont fait carrière dans la Ligue nationale de hockey. Du côté soviétique, il y a quelques-uns de ces joueurs qui ont fini avec, à un moment donné, quand le rideau de fer est tombé, qu'on a commencé, la période de détente est arrivée entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui sont venus jouer dans la Ligue nationale de hockey, Slava Fetisov, notamment le défenseur Fetisov, Makarov, André Makarov. Et donc, plusieurs Soviétiques donc, ont eu une belle carrière dans la Ligue nationale et ont été admis au Panthéon du hockey aussi. Puis ça aura un impact, puis on termine là-dessus, mais pour les Soviétiques, il y a un déclic qui se fait. Si on reste sur l'équipe qui représente le pays, après les Jeux de 80, il y a une leçon qui va être tirée. Ça va être fondamental pour l'équipe de hockey soviétique d'après les Jeux. Oui, absolument. Après cette défaite, l'Union soviétique a connu sa plus grande période de domination en hockey international. Il y a eu une petite révolte à bord de l'avion. Avant de rentrer en Union soviétique, Viktor Tikhonov avait dit à ses joueurs, écoutez, nous allons assumer cette défaite en équipe. Lorsque nous allons rentrer à la maison, nous allons dire que nous avons perdu en équipe. Il n'y a personne qui va pointer un doigt accusateur envers ses coéquipiers ou les dirigeants. Et à bord de l'avion, il y a le défenseur Valery Vassiliev qui est assis avec les pilotes dans le cockpit en train de discuter. La porte est ouverte et il entend Tikhonov dire à ses adjoints « Nous avons perdu à cause de nos vétérans, c'est de leur faute, nous n'avons pas gagné, notre capitaine. » Et Vassiliev, vraiment insulté, se lève et saisit Tikhonov par le cou et commence à l'invectiver. Et après ça, Vassiliev a été élu capitaine de la formation par ses coéquipiers. Et par la suite, les Soviétiques ont remporté 96% de leur match dans les quatre années suivantes, et ils ont remporté de 12 titres sur les 13 qu'ils ont défendus, notamment dans une série, une Coupe Canada en 81, où ils sont venus rosser Équipe Canada au Forum de Montréal en marquant 8 buts durant le même match. Alors, ça a été une très, très grande période de domination par la suite. Grand coup de fouet pour les Soviétiques, Alec Placide en 1980. Martin Leclerc, analyste, chroniqueur au hockey, merci beaucoup. Merci, au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.